Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo 107FM. Vous pouvez également nous écouter sur www.radiogemozo.eu. N'oubliez pas que vous pouvez également écouter nos podcasts sur notre page Facebook Radio Gémozo. Et aujourd'hui, pour voyager avec moi dans la bulle, je reçois Mike alias Smoka. Bonjour. Bonjour Léa. Comment ça va? Écoute, ça va. C'est super, merci beaucoup en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors déjà, j'ai une question peut-être toute bête, mais pourquoi Smoka? Smoka A, en fait, c'est la Smoka attitude. Ah. Bon, ça n'a rien à voir avec la fumette. C'est juste la façon que j'ai, que j'appelle ça, fumer le micro, quoi. Ah, voilà. Ça c'est bien. Faut avoir la bonne attitude pour bien fumer le micro, voilà. D'accord, ok. Alors, on va faire un petit tour, sur ton parcours, tes projets, etc., etc. Et je rappelle tout de suite, que tu seras en concert ce soir chez Jeanne à Saint-Maurice-sur-Moselle. Ça se passe dès 20h. Ça commence à 20h. La musique va commencer à démarrer à 20h. Puis après les concerts vers 21h. Voilà, c'est super. Alors, qui participera avec toi durant ce concert? Du coup, j'ai invité les jeunes, les Fonds du Crou. Ouais. On les embrasse. Voilà, on les embrasse. Les jeunes que j'affectionne particulièrement. Ouais. On a invité aussi Dou, c'est un rappeur sénégalais. Ouais. Ça fait 2 ans qu'il est en France, en fait. Et avec Aïssat, en fait. Aïssat qui nous l'a présenté. Et depuis, on fait des petits projets ensemble. On lui file un coup de main comme on peut, quoi. C'est plutôt sympa ce qu'il fait, on l'a déjà rencontré, et voilà, on l'embrasse aussi. En tout cas, vous savez que vous pourrez retrouver tout ce petit monde pour une soirée hip-hop chez Jeanne ce soir à Saint-Maurice-sur-Moselle. Sans oublier aussi qu'on a invité Caporal Jamal, c'est un rappeur de Nancy. Ouais. Donc, il va speaker ou alors il va rapper? Il va speaker, c'est celui qui va ambiancer la soirée en fait. Ouais. C'est un peu son job. Il est à l'aise avec ça. Donc, il est fort. Donc voilà quoi. C'est cool. Alors du coup, on retourne un petit peu, petit flashback sur ton parcours. Comment ça commence ton entrée dans l'univers du rap? Ça commence à l'âge de 14 ans. Ouais. Enfin, vraiment les débuts du mouvement hip-hop. Ouais. On a commencé à découvrir le rap avec NTM, Assassin, vraiment, quand on était tout petit, quoi. Ouais. Et comme dans chaque quartier, l'engouement il s'est pris. Puis un jour, il y a un pote qui est venu me voir, lui on fait un groupe de rap, puis c'est parti de là, quoi, en gros. Ça commence avec les Décal Crew. Non. Ouf, il y a eu tellement de choses avant. D'accord. Je suis pas à la page. Décal Crew, c'était le plus officiel, on va dire. Voilà. D'accord. Le truc le plus construit, quoi, avec Mustapha, justement, ouais. DJ John. Il y avait Kiwi aussi, une chanteuse qui était avec nous à l'époque. Ah ouais. Et ça, c'était Décal Crew, mais Décal Crew, c'était 2002. Vers 2000, ça a commencé 2002, un truc comme ça. Non. Mais sinon, avant, des noms, il y en a eu. C'est vrai. Pour le moment, on était au moins, une dizaine, une vingtaine de rappeurs. On s'appelait la Sombre Cohorte. D'accord. Et puis, voilà. Il y a des traces de tout ce que vous avez fait encore? Personnellement, j'ai perdu tellement de choses, parce que je ne suis pas quelqu'un de conservateur, en fait. Donc j'ai perdu tellement de choses, mais je sais qu'il y a des dossiers qui existent par-ci par-là, selon les gens, quoi. Il y en a qui gardent les choses, donc je sais que ça existe, quoi. Ouais, tu devrais faire une compile, ça devrait faire un truc. Ouais, je devrais essayer de récupérer un peu tout ça, pour pleurer un peu, la nostalgie et tout. Alors ça a commencé, toi t'as aimé direct le rap quand t'étais enfant, ou t'es passé par un autre style musical avant? Non, avant j'écoutais vraiment de tout, n'importe quoi, j'avais aucune éducation musicale, j'écoutais ce que mes parents écoutaient ou que mes grandes sœurs écoutaient. Ouais. Mes grandes sœurs étaient beaucoup... New Jack, à l'époque c'était la New Jack, ou le reggae, beaucoup de reggae. Les anciens du quartier, ils écoutaient beaucoup Alpha Blondie, des trucs comme ça. Donc quand t'es jeune, tu prends ce qui vient, quoi. Et voilà. Okay. Et le rap, c'est venu beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, vers 14 ans, 15 ans, quoi. D'accord. Mais avant ça, c'était plus le reggae, le raga, avec Tonton David, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, à 14 ans, tu affectionnes le rap plus particulièrement. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît un peu dans ce genre musical? À la base, c'est surtout le phrasé, le flow, les flows qu'il y avait, puis le beat, tout ce côté-là qui était innovant pour nous. Ouais. C'était même pas les paroles, parce que à la base, quand on était petit, on comprenait rien de ce qu'il racontait, en fait. Encore maintenant, j'écoute des trucs que j'écoutais avant, je me dis, on comprend rien, en fait. Mais c'est juste la vibe qu'il y avait, quoi. C'est ce côté revendicateur, ce côté, justement. Ça partage une certaine émotion, le rap. Hein. Ouais, c'est punchline. C'est punchline, c'est rythmique. C'est ce côté rythmique là qui est vachement intéressant. Puis le fait de pouvoir dire 15 000 paroles dans une chanson, en fait. Bah ouais. C'est le fait de pouvoir débiter des choses, et puis et puis parler d'un peu de ce qui se passe en société, si on veut, ou autre chose. Hein, mais ouais. Moi, c'était surtout ce côté contestataire que j'aimais beaucoup. D'accord. Donc toi, tu as tout de suite écrit tes propres paroles? Ouais, tout de suite. Tout de suite, ça a pris le truc, il a pris tout de suite. Puis tout de suite mordu, quoi. Et depuis, on n'a jamais lâché l'affaire. Mais c'est pas difficile de commencer à rapper? Je veux dire, voilà, il faut du flow, il faut de la rythmique, il y en a pour qui c'était pas inné. Comme ouais. J'avais mon pote avec qui je commençais, justement, lui, il n'arrivait pas à se poser sur le beat. Mais moi, ça, je sais pas, c'était normal, je sais pas. Ça venait. Ouais, mais en même temps, moi, comme j'étais un peu baigné de la musique, comment expliquer? Avant tout ça, j'ai déjà touché des platines et tout à l'âge de 4 ans. Je faisais mon petit DJ de discothèque à l'âge de 4 ans avec un ami qui était plus âgé que moi, quoi. Ouais. J'allais tout le temps chez lui, parce qu'il avait le matos et tout. Puis donc, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à baigner avec des platines et trucs comme ça. Bien. Et t'as continué? Non, ça, j'ai pas continué. Ça, je le laisse faire à DJ Sife ou DJ John qui le font, ou DJ Was aussi, Big Up, qui le font largement mieux que moi. Ah, c'est une sacrée équipe en tout cas. Hein. Il y a beaucoup de gens, il y a une belle équipe. Ouais. On se suit depuis des années. Ça fait vraiment longtemps qu'on traîne ensemble, qu'on fait toujours de la musique ensemble. Comme avec Mustapha, pareil. On est étroitement liés, on va dire. Ouais. Donc. On vous a vu sur les décals. En tout cas, moi, j'ai été guetté dans les archives. On en trouve encore des décals et vous faisiez une bonne équipe. Ouais, mais c'est pas fini, peut-être ça, c'est pas perdu, on sait jamais. Ah bon, monsieur le président, il est trop occupé, mais on sait jamais. Nous, si tu nous entends, on n'a pas lâché l'affaire. Non, ça peut toujours exister. Alors, t'as commencé à te lancer dans l'univers du rap à 14 ans. Est-ce que les gars avec qui t'as commencé, vous voyez encore? Est-ce qu'il y en a qu'on fait un petit peu leur bonhomme de chemin de leur côté? Il y en a que j'en vois encore, il y avait Sébastien Charlier, Charlioz, Cover, lui aussi, il a commencé dans le rap. Hein. Ah ouais? Cover One? Ouais, il a rappé avec nous, il a rappé avec nous. Ah, il nous cache ça. Il y a ça, mon ami de dans France, celui qui m'a mis dans le rap, Régis, qui habite en Martinique maintenant, mais on est très liés aussi. D'accord. Il y a Jay, la plupart des gens, en fait, on est toujours en contact, on est toujours liés. C'est cool. Ça, c'est bien. C'est une grande histoire d'amitié, en fait. Bah oui, ça, c'est vrai. C'est une grande histoire d'amitié, une grande histoire tout court. Alors, si tu veux, on se lance dans un premier son. Hein, c'est parti, tu nous as ramené un petit EP. Il date de quand, cet EP? L'année dernière. C'est le dernier projet que j'ai sorti, en fait. D'accord. Donc, Rock Me 10 2, le EP. Ok. C'est le dernier projet officiel que j'ai sorti. Et... Ok. Et voilà. Il y a eu un Rock Me 10 1, du coup. Oui, il y a le EP 1, le Rock Me 10 1, mais la plupart des morceaux, après, ils ont été fréquençabilisés, vu que j'ai mon groupe de métal à côté, mon groupe de hip-hop métal. Oui, on va en parler. Donc, il y a des morceaux hip-hop qu'on remet en mode métal, donc que je ne fais plus écouter en mode hip-hop, justement. D'accord. Voilà. Ok. J'essaie de bien dissocier les choses aussi, que ce que je fais avec un groupe ou l'autre. Ça doit pas être évident, ouais. Non, c'est pas toujours évident. Alors, Rock Me 10, pourquoi ce nom? Est-ce qu'on l'entend souvent quand on t'écoute? Parce que je me considère un peu comme croque-mitaine, justement. Ouais. Et ce côté rock, parce que j'ai ce côté rock. Même si je fais du rap, j'ai ce côté rock en moi. Et croque-mitaine, c'est un peu, justement, je suis un peu la petite bête noire dans le monde du rap, on va dire. C'est un peu pas ce style-là, quoi. Électron libre. Alors, on écoute Les gens suivis de Bisounours. Voilà, ces deux titres présents sur Rock Me 10 2, ton dernier projet. Bisounours en feat avec Toulikal. Avec Toulikal, un petit jeune que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup son art, j'aime beaucoup sa façon de faire. Puis à l'époque-là, il était en travail avec Mustapha, le Airplay. Ouais. J'ai eu l'autorisation de faire apparaître sur mon morceau. Donc, quel honneur. Donc du coup, voilà, quoi, ça s'est fait super bien. Super. Donc on écoute Les gens suivis de Bisounours et on se retrouve juste après. Et là, je le fais en 1-1, tu vois, je le fais avec les gens synthés, allumés pour voir, tu vois. Jay. Tu vois, vraiment, puis après on met le sang dans la rue et tout. Enfin bref, on voit. Les gens sont si parfaits que c'est toujours la faute des autres. Ils sont nombrils du monde et quand ils pètent, ils sentent la rose. Ils ont facile à te casser du sucre sur les côtes. Reste plié, ça les réconforte dans leurs petites choses. Les gens traitent ta mère de putain à force de ragots que rien ni personne ne réfute, même pas les tiens. Les gens disent que t'es parano, que t'avances des propos dus à une maladie du cerveau. Les gens sont comme toi et moi, mais ce n'est pas pareil. Ne confonds pas serviettes et torchons, immondités et merveilles. Les gens savent toujours ce qu'il y a de bon pour autrui. Ils ont un avis sur tout, surtout sur ta vie. La leur est incontestable, même si elle est obscurcie par le mensonge et le vice aussi. Eh oui, t'as cru quoi? Les gens se croient respectés. Mais on est tous de compte à gars là-bas. Tous ensemble, on est le serpent qui se mord la queue et puis voilà. Y'a des soirs où je m'isole dans la tête un tas d'idées. Y'a des straps sous bricolés, de la verre de qualité. Dans ma fête de parité, c'est pas la peine de s'agiter. Vite, je vais quadriller le bise ou bien taquiner le 10. C'est des pantins, deviner le marionnettiste. C'est qu'y'a des gars, si t'es dans le noir, c'est que t'es calciné, rends-toi. Y'a des gars ciblés tant de fois, j'ai des phases inéventables. J'vais déraciner vos lois, l'efficacité de nos voix. Mes capacités sont pas des pouvoirs inérentables. Vends ton putain d'écran plat, tu bandes devant tes qualités. Plus d'un des défauts, danse juste devant toi. La pente est rude et c'est en loin. Les temps de speed libèrent en moi les pandémies de chants de flûte et tranquillisent les langues de pute. Et quand je décide la vente de stup sous codé info, polémique et tant de trucs. Penses-tu que j'oserais dire que l'on mérite ce qui nous arrive au centuple? J'suis qu'un bisounours qui a quitté son monde pour explorer le vôtre. Mais quel con, j'en ai perdu mon cœur qui vagabonde. Je ne sais où m'en inquiéter, mais peut-être trop tard. J'avoue, j'deviens ici de vous, vous qui faites de moi une bête immonde. Un bisounours qui a quitté son monde pour explorer le vôtre. Mais quel con, j'en ai perdu mon cœur qui vagabonde. Je ne sais où m'en inquiéter, mais peut-être trop tard. J'avoue, j'deviens ici de vous, vous qui faites de moi une bête immonde. Un bisounours, un bisounours, un bisounours, un bisounours. Froissé de mon estime, j'm'abîme, plonge dans les abîmes. Porté pour la fonte et j'vois personne de clair ni de clean. Le suis-je pour eux, j'perds mon temps entre doute et déprime. Au contre-goût, je décime et gaspille les jours heureux. Pourtant, jeune, j'avais la foi en quoi j'sais plus, ça devait être bien. Vu que sans, j'me sens perdu, mais une perdeur que j'creuse à toucher le fond. Ma foi, j'suis pas fait pour la défaite, j'lève la tête, fais sonner le clairon. Mes chakras sont faibles, mais j'ai la force d'assembler mon coup. J'crache là où j'suis deck et j'casse la corde qui me sert le cou. J'dois être un peu mazo sous les bords. Souvent, je me surprends me torturer avec des échecs que je crois mes morts. C'est dans les instants les plus sombres qu'on perçoit la lumière. J'suis à la souffrance, l'aspiration de nos mères. J'ai sûrement besoin de ça pour avancer. Clairvoyance de blessé, sans force, j'fais glisser la plume sur le papier. J'suis qu'un bisounours qui a quitté son monde pour explorer le vôtre. Mais quel con, j'en ai perdu mon cœur qui vagabonde. Je ne sais où m'en inquiéter, mais peut-être trop tard. J'avoue, j'deviens ici de vous, vous qui faites de moi une bête immonde. Un bisounours qui a quitté son monde pour explorer le vôtre. Mais quel con, j'en ai perdu mon cœur qui vagabonde. Je ne sais où m'en inquiéter, mais peut-être trop tard. J'avoue, j'deviens ici de vous, vous qui faites de moi une bête immonde. Un bisounours, un bisounours, un bisounours, un bisounours, un bisounours. Et voilà les gens et bisounours tout droit sortis eh bien, de ce dernier EP, Rock Mitten 2. D'ailleurs, on le trouve où, cet EP, si on a envie de se le procurer? C'est demain à main, ouais. Lors de nos concerts. Voilà. Il n'y a pas de lieu précis. Il n'y a pas de business vraiment défini, en fait. Ouais. On peut te contacter directement si on veut un EP? Oui, complètement. T'en as en stock? Sur Facebook, Messenger. Ah ben voilà. Monsieur est disponible. Il n'y a pas de souci. Alors, qui s'occupe de la prod musicale? Qui s'occupe de l'instru? Principalement, c'est Nico Nited. Ouais. C'est donc maintenant mon beatmaker officiel. Donc, c'est lui qui me présente toujours les prods. Ouais. Puis après, je fais ma sélection, je choisis ce qui m'intéresse, ce qui me touche. Ouais. Donc oui, c'est lui principalement. Mais après, il y a plein de gens qui peuvent graviter autour, parce que vu que je connais plein de musiciens, ouais. Donc il se peut que je peux greffer une guitare, je peux greffer autre chose. C'est ça qui est bien dans ton univers, c'est que voilà, t'es pas vraiment, t'appartiens pas à un univers précis. Plus maintenant. Ouais. Voilà. Tu as différents groupes, déjà, on va quand même le dire, Infréquençable pour ceux qui ne le sauraient pas, et qu'est-ce qu'ils font? Alors là, c'est deux univers complètement différents. Complètement différents. Ouais. Alors dis-nous un petit peu plus sur ces univers, justement. Dans Infréquençable, je retrouve ce côté, justement, que je peux, ce côté contestataire, hargneux, ce côté à regard négatif sur la société. Enfin, voilà, révolutionnaire. Ouais, révolutionnaire, non. J'aime pas le mot révolution. Ah, mince. Parce que ça tourne en boucle, une révolution. Ah, d'accord. Okay. Je préfère enlever le R, puis évolution serait mieux. Ah, bah ça c'est bien. On prend. Donc ce côté-là, ouais, ce côté sauvage, pouvoir vraiment se déchaîner, j'adore ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est ce côté plus léger, justement, ce côté un peu plus... Je peux me permettre d'être vraiment léger, d'être tranquille, oui. d'avoir des messages plus funny, on va dire. Ok. Voilà. Et c'est toi qui t'occupes des textes à chaque fois? Mes textes, tout ce que je fais moi, enfin, toutes mes parties, c'est moi. C'est moi qui écris, oui. Et comment t'arrives à dissocier un peu ces deux univers? Comment tu t'arrives à poser un texte pour l'un et l'autre projet? Ça doit être compliqué, non? On est tous munis de plusieurs émotions, je pense. Donc, ouais. Ça dépend si je suis en colère ou si je suis amoureux ou je sais pas. Donc voilà quoi. Donc, t'es en colère, tu bosses pour un fréquençable. Si je suis amoureux, je bosse pour qu'est-ce qu'ils font quoi là. Et t'as plus de textes dans quel... Non, je rigole. Plus de textes pour un fréquençable. Ouais, je me doutais. Alors un fréquençable, c'est très particulier. Hein. On appelle ça La fusion. La fusion. Ce qu'on appelle la fusion, fusion metal hip hop, mais pas que. Il y a toujours des petites touches, il peut y avoir des petites touches jazz, ouais. Raga. En fait, on n'est pas limité, on se limite pas. C'est juste si on tient un truc qui est assez violent, mais qu'on peut faire fonctionner, on le fait fonctionner simplement. Voilà. Et du coup, t'as commencé par quel groupe en premier? Entre les deux là? Ouais. J'ai commencé avec un fréquençable. D'accord. Donc un fréquençable, c'est plus mon petit bébé, parce que je suis plus précurseur du truc. D'accord. Donc voilà, avec Nick and Ted, Diafarid aussi. Ouais. Enfin, puis tous les autres de toute manière, voilà. Que l'on salue. C'est plus notre petit bébé à nous, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Je suis plus une pièce rapportée, on va dire. Je vois ça comme ça. Sauf que maintenant, je suis vraiment à part entière dans le truc. Ouais. Mais je suis venu comme une pièce rapportée. En fait, à la base, ils n'auraient même pas besoin de rap. Quoi. D'accord. Mais c'est super cool, quoi. Il n'y a pas de souci. Ils ont eu envie de proposer autre chose, un univers un peu plus complexe. Il y avait déjà un rappeur avant moi. D'accord. Où il y avait aussi Dame Letty. Il y avait Letty. Ouais. Donc à l'époque, puis bon, comme il y a l'éthique qui est partie, après le rappeur qui est parti aussi, c'est Seb. D'accord. Du coup, ils étaient à la recherche d'un nouveau rappeur. Puis moi, qui m'y allais des filles, je dis, hop, j'ai tenté mon coup, j'ai tenté ma chance, j'ai passé le casting, ils m'ont aimé tout de suite. Et puis, ils voilà. sont retournés. Et puis voilà. Et ben voilà. Est-ce que ça t'arrive de prendre un petit peu des jeunes sous ton aile, leur donner 2-3 conseils? Là, on voit que tu as fait un feat avec Touli qu'on a écouté juste avant. Est-ce que voilà, t'aimes bien un peu cette. Cette transmission qui peut se faire? Ça se fait naturellement, en fait. Si je peux rendre un service, je le rends un service simplement. Sans aucune prétention, sans rien. Si on peut filer un petit coup de main, on le fait un coup de main, il n'y a pas de souci, ça. Un petit peu comme avec le fond du crew, voilà, je te vois, t'es un petit peu... de temps en temps, là présent. Je les vois comme la relève. Après, bon, je sais, ils n'ont pas besoin de moi, ils se débrouillent très bien. Mais bon, le peu de conseils avec l'expérience qu'on peut donner, on les donne, voilà, simplement. Bah oui, c'est important. Je veux dire, il faut savoir écrire, etc. Mais aussi être sur scène, ça s'apprend pas. Non, si, ça s'apprend. Justement, ça s'apprend. L'attitude et tout, avoir sur scène, tout ça. Les petits conseils comme ça qu'on peut donner, on les donne, quoi. Et voilà. Puis voilà, quoi. Et voilà. Et justement, les jeunes du fond du crew, il me semble qu'il y en a un avec qui tu t'entends plutôt très très bien, Drex, avec qui... Enfin, tu t'entends bien avec tous, on est d'accord? Ah, avec tous, oui, hein, non, voilà. Non, c'est... Mais il me semble que voilà, t'as fait un projet un petit peu autre, un peu particulier. Drex, pour moi, c'est le plus aiguisé, et puis c'est celui avec qui je voyais plus le truc. Ouais. C'était un projet de jazz, donc vraiment un projet bancal. Ah ouais. C'est le FF projet. Ouais. Et c'est un truc qui risque encore d'exister, justement. Donc ça fait cool. Un troisième groupe, du coup. Wow. Donc entre fusion, funk et jazz, voilà. Donc, ça... et... Multicasquette. Ouais. Et du coup, Drex, il est venu... j'ai invité Drex sur ce projet, parce que ça, justement, je trouve que c'était une bonne école. Une bonne expérience pour lui. Et du coup, il a accepté, puis il a fait ça bien. Ouais, il s'en est bien sorti. Ouais, mieux que moi, je pense même. Monsieur est complexé. Ouais, non, du tout. Alors, il me semble que tu te rends de temps en temps aussi à la Souris Verte, où voilà, tu peux vous bénéficier un petit peu d'espace scénique pour répéter, etc. Parce que ça s'improvise pas, c'était pas ça s'imprend pas, c'était ça s'improvise pas que je voulais dire tout à l'heure. Mm-hmm. Voilà, là, c'est le moment où quand même, il y a du taf derrière. Ah, il y a toujours du travail derrière. On n'arrive pas comme ça avec la bouche en cœur et puis on sait faire les choses. Hein. C'est comme tout, hein, c'est de la répétition, c'est du matraquage dans la tête. Il y a comme ça que l'humain apprend. Parce qu'un petit peu, dans la tête des gens, quand ils voient la musique de loin, ils ont l'impression que ils viennent sur scène, les artistes. Oui, ils ne voient pas l'envers du décor, voilà. Souvent. Enfin, plus maintenant, grâce à Internet, tout ça, on voit plus comment ça se passe les choses. Il n'y a plus de mystification là-dedans. En fait, ouais. C'est beaucoup de travail, bien sûr. Plus tu travailles, plus tu vas assurer, plus tu vas t'améliorer, voilà, simplement. Et ben voilà, on écoute le sage. Alors, on se lance dans un nouveau son avec La Boutique est Fermée. Yes, la boutique est fermée. Donc c'est la version hip-hop. Bah, c'est une version qu'on fait aussi avec la fréquençable maintenant. Ouais. Voilà. Donc la boutique est fermée. C'est parti. C'est parti. Mais trop de pression, je le broyais. Rouge liqueur, glissant entre mes doigts là pour me soudoyer. J'ai faim de rancœur, j'ai toutes les raisons de brailler. Souffre, douleur, jette l'éponge, la boutique est fermée. La main sur le cœur, mais trop de pression, je le broyais. Rouge liqueur, glissant entre mes doigts là pour me soudoyer. J'ai faim de rancœur, j'ai toutes les raisons de brailler. Souffre, douleur, jette l'éponge, la boutique est fermée. J'ai toutes les raisons de brailler. La boutique est fermée. On me kidnappe pour me mettre face au micro rond. On insiste que je fasse voir la vérité au miro con. Mais y'aura pas de miracle. On le sait au fond que les putes m'auront l'attaque. Toute tête profonde de mon caleçon. Tu parles par manque de volonté que je ne crois plus en l'homme. Mais à force de me tromper, je ne mise même plus sur moi. J'ai pourtant tenté ma femme bosser sur métronome. Mais trop décalé je suis pour être un homme de quoi que ce soit. Perso, je préfère chez Marcel tout. C'est que j'ai mal, m'en fous. Un peu plus, tout en tout. Trop donné, t'es rien à vous. Rien à prouver si je me saigne, c'est moi seul. Et j'ai le seul, si je m'en sors, c'était pas pour vous, mais pour ma gueule. J'ai rentré le temps d'un fat beat crade. Mon fan club ne se compose pas de sale bitch fade. Mais attends, je perds mon tempérament. Qu'on coupe la langue si je m'en mets même ça, putain, c'était bien mieux avant. J'ai rentré le temps d'un fat beat crade. Mon fan club ne se compose pas de sale bitch fade. Mais attends, je perds mon tempérament. Qu'on coupe la langue si je m'en mets même ça, putain, c'était bien mieux. J'avais la main sur le cœur, mais trop de pression, je le broyais. Rouge liqueur, glissant entre mes doigts là pour me soudoyer. J'ai faim de rancœur, j'ai toutes les raisons de brailler. Souffre, douleur, jette l'éponge, la boutique est fermée. La main sur le cœur, mais trop de pression, je le broyais. Rouge liqueur, glissant entre mes doigts là pour me soudoyer. J'ai faim de rancœur, j'ai toutes les raisons de brailler. Souffre, douleur, jette l'éponge, la boutique est fermée. J'ai toutes les raisons de brailler. La boutique est fermée. En ultime décision, même à contre-cœur, faire la somme des raisons, le mélange des couleurs, se dire que c'est pour nous, pour mon que le pire est des meilleurs, c'est marcher à reculons sans rétroviseur, attendre un anniversaire, histoire de fêter ça, se dire qu'après tout la terre de tourner ne s'arrêtera pas, regarder en arrière jusqu'une dernière fois, si l'on est éphémère, la volonté le sera, écouter les pulsations, le rythme de vos cœurs, sentir les vibrations. Du sang dans vos artères, la sueur sur vos fronts, vos douleurs éphémères. Regardez l'horizon vers un monde meilleur. Boire une dernière bière en ressassant tout ça. Tout ce que j'ai digéré hier, la chasse m'emportera. Faut que j'y croie dur comme fer, pourtant je sais déjà que ça ne durera guère, que ça ne durera pas. Arrêtez de faire le con, de s'envoyer en l'air, de m'arracher les poumons, de m'arracher le cœur. Arrêtez le poison, celui qui vous fait peur. Arrêtez pour le bon, prendre un revolver. Écoutez les pulsations, le rythme de mon cœur. Sentir les vibrations du sang dans mes artères. La sueur sur mon front, ma douleur éphémère. Regardez l'horizon vers un monde meilleur. La boutique est fermée, Smoka, mais pas que. Hein, t'étais en feat là aussi sur ce son. En feat, ouais, il y a Al. Ouais. Al du groupe La Déchetterie. D'accord. Si je me trompe pas, ils viennent de la Haute-Saône. Ouais. Si je me trompe pas. Une rencontre que j'ai fait par rapport à Nick and Ted. Ouais. Parce que c'était son patron en fait à l'époque. Voilà. Il est chef d'entreprise. Ok. Et voilà. Puis vu qu'il fait de la zik et tout, bah pareil, on s'est kiffé. Puis un coup, il est venu à la maison. Puis on a une nuit blanche, on a fait ce morceau en une nuit blanche en fait. Ah ouais. D'accord. Ça a été fait en une seule nuit en fait. La vache, quand même. Alors on entend aussi un petit son de guitare là sur ce son. Il y a deux guitares, il y a la guitare de Hung Fu, ouais. Donc d'Infréquençable, et de Farid, Infréquençable aussi. Ouais. C'est la première fois qu'on faisait vraiment un partenariat en fait ensemble. Ouais. C'était sur ce morceau en fait. Ok, c'est là que vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés avant, mais ouais. C'est la première fois qu'on faisait de la musique. Voilà. Ah, voilà, c'est bien ça. Alors, Rock Meet and 2, il a été enregistré comment, où, comment tu te débrouilles pour faire tout ça? En fait, j'ai mon propre matos, j'ai mon propre home studio. Yes. Et puis, là où que le vent m'emmène, donc, si ça peut être un appartement, ça peut être je ramène mon matos avec moi. C'est puis, pas vrai. Puis, voilà, c'est le petit, on en fait un petit laboratoire, et puis c'est par nos propres soins, en fait. Ouais. On se démène comme on peut, comme ça. Comment ça se fait un projet comme ça? Je veux dire, tu choisis déjà les sons sur lesquels tu vas écrire ou t'écris déjà et tu trouves le son qui correspond à ce que tu as écrit? Principalement, c'est le son qui va inspirer le texte, principalement. Ouais. Donc, le plus souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais souvent, il peut y arriver aussi que, une fois que le texte est écrit, je le mette ailleurs. D'accord. Sur une autre prod ou ça peut arriver, ça arrive souvent même. D'accord. C'est plutôt cool. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'inspire pour écrire? Parce que tu as plein d'univers différents, mais j'imagine que tu dois être sensible à quelque chose en particulier. Qu'est-ce qui t'inspire? La rue, la vie de tous les jours, le quotidien des gens, les dysfonctionnements? Ouais, dysfonctionnement, mon regard négatif sur la société. Parce que j'ai un regard négatif sur cette société, de toute manière. Il y a des choses que je trouve vraiment aberrantes, que ce soit politique, géopolitique. J'ai l'impression de vivre dans un putain de théâtre, en fait. Ouais. Et tout ça, ça m'agace, ça m'énerve. Ou les gens, enfin, il y a plein de choses qui peuvent m'agacer. J'aime les gens, mais d'un autre côté, des fois, ils m'énervent. Voilà. Comme je peux m'énerver moi-même. Et du coup, c'est un peu un exutoire d'écrire? C'est complètement un exutoire. Ouais. C'est complètement ça. Du coup, tu vides vraiment tout ce que tu as... Toutes mes pensées, qu'elles soient noires ou pas noires, mais une fois que c'est couché sur papier déjà, ou que c'est dans la tête, en plus c'est un truc qui me tient, enfin c'est des sujets qui me tiennent à cœur, donc c'est des textes souvent forts. Ouais. Et, du coup, je peux les faire quand je veux après, parce que le message est toujours là de toute manière. Donc, c'est ça. Alors, j'ai toujours une question que je pose aux rappeurs qui viennent me voir, c'est est-ce que vous avez tous un petit bout de papier quelque part qui traîne, ou voilà, il y a un moment, il y a des mots qu'il faut écrire, et du coup... La feuille d'invitation, là, elle pourrait risquer d'être gribouillée. Oui, on a toujours des bouts de papier, on a toujours des trucs comme ça, où j'écris toujours sur les dos de mes factures, ou des trucs comme ça. Ah oui, mais j'écris partout, sur des bouts d'enveloppe. Dès qu'il y a moyen d'écrire quelque chose quelque part... Hop, ouais. Est-ce que voilà, c'est plus un moment dans l'écriture du texte où ça se fait d'un coup, ou est-ce que parfois ça peut se faire quand même par bride? En fait, je calcule pas. C'est, si ça vient pas, ça vient pas. En fait, je cherche pas le truc. Il faut que j'ai une envie d'un coup, une envie d'écrire, j'ai envie de faire du son. Donc, je me mets en condition. Ouais. Quoi. Je me mets dans ma bulle, à moi. Pas la bulle de Lia, c'est la bulle de Mike. Tu vois. Et puis c'est parti, quoi. Mais ça se passe comment dans la bulle de Mike, du coup? C'est quoi les conditions pour vraiment s'immerger dans le texte, dans le sujet dans lequel on va traiter? Si tu peux expliquer, parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Hein. Ouais, mais si, parce que le souci, c'est que pour me mettre dans ma bulle, pour quand même écrire, déjà, il me faut une petite bière à côté. Il me faut ma petite foncée, ou ce que j'appelle mes démons, quoi. C'est ce que j'appelle ce qu'on a. Et donc, puis il faut que je sois tout seul, tranquille, il ne faut pas qu'il y ait du bruit autour de moi. Il faut vraiment que je sois tranquille. Tu fais une introspection? Ouais, il y a de l'introspection, il y a de l'extrospection, je ne sais pas si ça se dit, mais... Partage. Il y a un peu de tout qui se mélange là-dedans, quoi, en fait. Et puis, je sais pas, ça vient comme ça, quoi. J'ai pas vraiment d'explication logique. Aujourd'hui, le rap, enfin, en tout cas, peut-être plus aujourd'hui, justement, mais le rap, il servait quand même à dénoncer un peu des choses. Il y avait des messages forts qui étaient passés au début. Le rap, il a été créé pour un peu passer un coup de gueule. Enfin, j'ai pas l'anthologie du rap dans mon cerveau, mais est-ce que on porte un peu cette responsabilité quand on écrit des textes qui vont être écoutés par rapport au message qu'on veut faire passer? Est-ce que responsabilité, des fois, je me dis, parce que des fois on écrit des trucs, ce que j'appelle des trucs de connard, quoi. Et des fois je me dis, il y a quand même des jeunes qui nous écoutent, il y a quand même des, tu vois. Ouais. Et des fois je réfléchis à deux fois avant de balancer mon texte ou pas. Puis après, je me dis, ils n'ont pas besoin de moi pour apprendre l'école de la vie, de la rue. Puis, et puis, donc je le fais quand même, du coup. Mais est-ce que c'est vraiment un outil fort pour passer un message, tu penses, le rap, à ton avis? Je pense que ça l'a été, ou ça peut toujours l'être, dans le côté underground, le côté vraiment... Mais c'est beaucoup, comme tout ce truc, ça a été récupéré. Et du coup, maintenant, les gens, ils écoutent du rap comme ils écouteraient n'importe quoi. Puis ils font même pas gaffe aux paroles ou des trucs comme ça. Ouais. C'est juste la vibe, basta. Et donc, je sais pas si c'est autant d'impact qu'avant. Ouais, ça se perd un peu, quoi. Ouais, c'est différent. C'est, voilà, ça évolue Avec la récupération, quoi. T'en penses quoi du rap d'aujourd'hui? Ça dépend. Il y a du très bon. Il y a de, justement, hein, comme bah, ils font du crew, ils font des très bonnes choses. Après, ça, le trap, ça me parle pas trop, mais je sais que c'est très fort. Il y a des gens qui sont très forts. Ouais. Mais moi, ce qui me parle tout de suite, bah, c'est mon école, c'est le boom bap, parce que là, quoi, c'est tout de suite, c'est ça qui me parle le plus. Bah, ouais. Mais après, j'ai aucune critique à faire. C'est l'évolution, pareil. J'ai aucun a priori en fait là-dessus. T'écoutes des rappeurs, toi? De mon ancienne école, quoi. Ouais. Moi, ce que j'écoute, je reste bloqué aux années de ce qu'on appelle l'âge d'or du rap. Ouais. Donc, ce sera quoi, du NTM, du IAM, du Assassin pour les plus connus, quoi. Et après, j'écoute. Après, je dis Timide et Sans Complexe, mais ça parlera peut-être pas à personne. Ouais, enfin, bref, voilà. Mais j'écoute beaucoup de l'ancien, quoi. Oui. Bah ouais. Mais ils font des nouvelles choses maintenant, non? Il y en a qui reviennent, qui font des nouvelles choses. Mais il y en a qui restent fidèles à eux-mêmes. Ouais. Il y en a qui essayent de faire des trucs de jeunes. Du coup, on n'accroche plus, on n'accroche pas. Quand tu as 40 ans, on ne cherche pas à faire un truc de jeune, je ne sais pas, tu vois. Du coup, on n'accroche plus. Donc, on écoute plutôt vraiment nos classiques à nous, quoi. Les années 90, bon, encore à 2000, des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Bah ouais, t'as bien raison, c'est le meilleur, moi, je trouve aussi. Alors, on se lance dans un nouveau son. Yes. Hein, on aura fait tout l'EP. C'est 12 France, cette fois-ci. Yes, hein? 12 France. 12 France. Il vient d'où, ce son? Comment ça s'est passé pour... Ce son, bah, c'est pareil, ça a été fait. En plus, l'instrumental a été fait qu'à la guitare sèche. Ah ouais? Et ça, j'ai fait ça avec Stéphane Agreda, un notre ami musicien. Ouais. Et c'est lui qui avait posé toutes les guitares au micro sèchement, quoi. Puis après, j'ai modulé tout ça pour que ça devienne électrique, en fait, simplement. Et après, j'ai fait mon morceau. Puis après, tout le côté électronique, bah, c'est moi quoi, qui me suis amusé des patouilles. Parce qu'avant, je faisais mes instrus aussi avant. D'accord. Un truc que j'ai arrêté parce que je voulais juste me consacrer au rap. Ouais. Et puis, j'ai plein de gens autour de moi maintenant. Donc, j'ai plus besoin de faire ça. Une bonne sphère. Voilà, donc, c'est moi, puis avec Stéphane Agreda, quand on fait la musique. Ouais. Et après, j'ai posé le texte dessus, Douce France. Et voilà, Douce France. Voilà. C'est sans souci, sa source est sûre, ça sent sale, ça se sait. D'accord. Yeah. Douce France, sortie de Rock Mitten 2, complètement anarchique ce son. Carrément. Complètement destroy. T'aimes bien ça? Ah, j'adore. C'est comme ça que tu t'exprimes le mieux? Ouais, c'est ça, voilà. Bah oui, parce que tout sort en même temps, du coup, c'est plutôt un mélange de styles total, et ça, c'est plutôt cool, quoi. Alors, du coup, on a parlé eh bien, des Qu'est-ce qu'ils font, d'Infréquençable, et là, ça y est, tu relances l'esprit Smoka A. Oui, non, j'ai envie de revenir avec un projet hip-hop, ouais. Minimaliste, en fait, à deux, avec Nick and Ted derrière moi. D'accord. Pour pouvoir, parce que, bon, avoir des groupes... En grand nombre, c'est cool, c'est super, c'est génial d'être en bande. Mais le souci, après, c'est qu'on ne peut pas non plus se déplacer des fois trop loin ou faire les concerts qu'on a envie de faire, parce que c'est beaucoup de contraintes. Quoi. Je veux dire, plus il y a de personnes, plus il y a des contraintes. Et là, j'ai envie d'aller un peu plus loin que dans mon fief. J'ai envie de bouger un peu, faire ma bohème, en fait. D'accord. Et donc, j'ai envie de refaire un petit condensé hip-hop avec tout ce que j'ai sorti. En fait, donc, faire un petit show de 1h, 1h30. Ah ouais. Et reprendre même des textes que je fais dans Infréquençable ou dans Qu'est-ce qu'ils font, justement présenter un peu en condensé en hip-hop, tous mes textes, la plupart de mes textes. Donc revenir un peu à la base. Et ça se passe ce soir? On commence ce soir, on commence ce soir chez Jeanne à Saint-Maurice, en mode hip-hop, boom bap. C'est toi qui commences, qui ouvre la danse? Oui, j'avais envie d'ouvrir la danse, et puis justement ce que je voulais plus mettre en avant, doux, et puis... Le fond du crew, vu que je suis un peu le papy du rap ici. Le tonton. Est-ce que vous allez faire un feat ensemble ce soir? C'est un peu l'impro. Ça se termine souvent dans les soirées hip-hop, ça se termine souvent en freestyle à la fin. C'est un classique, quoi, je veux dire. C'est rarement qu'il n'y aurait pas ça. Quoi, voilà. Et chez Jeanne, vous y allez de temps en temps? Ça doit faire quoi, la quatrième fois, je pense, que je vais jouer là-bas. D'accord. Chez Jeanne, c'est un bar que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup Loïc, le patron, c'est un gars génial. J'aime bien l'endroit, j'aime bien tout ça. Puis c'est facile de mettre des choses en place avec lui. C'est génial. Et donc, il y a une confiance mutuelle, simplement. Et puis, c'est génial. L'espace scénique, ça se passe comment? Il faut un grand lieu pour accueillir ces projets-là, ou alors on s'adapte? Le côté hip-hop, on s'adapte. On peut même jouer dans un kebab, il n'y a pas de souci. On s'adapte. Après, quand on commence à déplacer des gens, comme à Fréquençable, on est 7 sur scène avec tout le matériel et tout. Là, on ne peut pas s'adapter où qu'on veut. Il nous faut vraiment de la scène. Quoi. Nous faut de la surface. Qu'est-ce qu'ils font encore plus, parce qu'on est 12, avec tous les cuivres et tout. Donc là, c'est encore plus de bordel. Donc là, pareil, il faut qu'on s'adapte. C'est on ne peut pas s'adapter pas où qu'on veut. Quoi. C'est pas sympa pour l'ingé son, quoi. Ah, en plus, c'est l'ingé son. Ah oui, Infréquençable aussi. Hein. Ça porte bien son nom. C'est clair. Justement, là, on parle d'ingé son. Il y a quelqu'un qui vous fait tout ça, là, ce soir? Ce soir, j'ai demandé les services à Fred Badreau. Ah. Donc, qui est aussi batteur de Qu'est-ce qu'ils font, qui a monté sa petite micro-entreprise d'ingé son et puis le studio. Donc j'ai fait appel à lui, parce que je voulais quelqu'un qui fasse un travail propre. Lui, il travaille propre. Je voulais pas m'occuper du son, je voulais vraiment un truc de qualité. Donc j'ai fait appel à Fred. Et ça, c'est important de faire confiance à son ingé son quand même, quoi. Complètement, parce que combien de fois ça nous est déjà arrivé, puisque les gens ne nous connaissent pas, on arrive avec un ingé son, mais qui n'aime pas le rap, par exemple. Et puis qui s'en fout, quoi. Et puis les gars, ils laissent la musique comme ça. Et même s'il y a un problème de micro trop fort, pas assez fort, les gars, ils laissent ça comme ça. Il y en a beaucoup qui font mal leur travail, en fait. On a rencontré beaucoup comme ça, D'accord, ok. Alors, on vous retrouve où avec tout ce petit monde-là? Alors, toi, on te retrouve ce soir, donc on l'a dit, chez Jeanne à Saint-Maurice-sur-Moselle. Mais je suppose qu'il y a d'autres scènes, c'est bientôt la fête de la musique. Voilà, le prochain rendez-vous, c'est justement avec Infréquençable et Qu'est-ce qu'ils font sur la même scène. Ah ouais. Donc là, ça va être marathon pour moi. Ouais. Donc le 21 juin, donc à l'Estaminet Vanier, chez Rudy. Que l'on embrasse. Yes. Voilà. Donc là, c'est le prochain rendez-vous avec Qu'est-ce qu'ils font qui est Infréquençable. Le 22, on enchaîne avec Infréquençable à Chemouset au Petit Câble. C'est une soirée plus privée, aux lieux atypiques, en fait. C'est chouette, ça. C'est un truc un peu féerique. Et tout. Ça va être cool. Ça va faire une sacrée... j'ai perdu le mot. Voilà, tu vois, ça arrive. Ça va être un sacré week-end, quoi. Ça va être un sacré week-end. Il va falloir qu'on fasse doucement, je pense. Je pensais aux atmosphères qui vont être complètement différentes. Ça va faire un bon. Voilà. Ouais, ça va faire un bon panel pour ce week-end. Voilà. Je pense que dimanche, on sera content et tout. C'est ça. Alors, on se lance dans notre dernière bulle de son. On arrive presque à la ligne droite de cette émission. En tout cas, c'était super que tu sois venu aujourd'hui. Alors là, c'est le penseur. Yes. C'est quoi le penseur? Écoutez les paroles. Voilà, c'est si simple. On en reparle après. De nous, c'est la guerre, c'est la mer, c'est la galère. Mal au fond, tout le monde s'en fout, tout connaît tranquille derrière nos œillères. Certains se battent pour rester debout, mais à chacun ses prières. D'autres crèvent sans assaut pendant qu'on boit notre bière. Partout autour de nous, c'est la guerre, c'est la mer, c'est la galère. Mal au fond, tout le monde s'en fout, tout connaît tranquille derrière nos œillères. Certains se battent pour rester debout, mais à chacun ses prières. D'autres crèvent sans assaut pendant qu'on boit notre bière, man. On n'a pas d'éthique, on est pire qu'effroyable. On est pathétique et pitoyable. Sans bouger, on voit notre prochain débat de la noyade. Sans brancher, on se résigne à être la prochaine putain de la part. Ce qui compte, notre petit confort de brebis effrayé. Non égaré car l'info circule assez. Désormais, pour comprendre qu'on se fait baiser. Mais oser parler de conspiration, c'est se ridiculiser. Combien tu sais, mais tu préfères oublier. Ce n'est pas important tant que pour toi, rien n'a changé. Toi-même tu sais. Mais elle ne va pas risquer de compromettre la tranquillité, même si elle est à l'opposé de la liberté. On se sent désarmé car on est divisé. La plupart ne jurent que par le journal télévisé. On entoure, ne me crois pas que je parle de guerre manigancée. Et c'est normal qu'au nom du progrès les peuples soient décimés. Partout autour de nous c'est la guerre, c'est la mer, c'est la galère. Mal au fond, tout le monde s'en fout, on connaît tranquille derrière nos œillères. Certains se battent pour rester debout, mais à chacun ses prières. D'autres crèvent sans assaut pendant qu'on boit notre bière. Partout autour de nous c'est la guerre, c'est la mer, c'est la galère. Mal au fond, tout le monde s'en fout, on connaît tranquille derrière nos œillères. Certains se battent pour rester debout, mais à chacun ses prière, d'autres crèvent sans assaut pendant qu'on boit notre bière, man. Alors, à chacun ses prières et pas du tout le penseur, hein. On rectifie. Rectification. Voilà, on rectifie. En même temps, voilà, l'EP m'a pas aidé. Non, je rigole. Alors, du coup, tu viens de nous dire en off que tu, avec tout ça déjà, hein, tu as quand même beaucoup de choses à faire, mais en fait, tu t'investis encore dans une association nommée Les Enfants de l'Est. Yes, hein? Les Enfants de l'Est, avec Kiwi, ouais. Qui est une des anciennes chanteuses de Calcrou à la base. D'accord. Et donc, après, qui est partie de la musique et tout, ouais. Et qui s'en remet dans le game, ce qu'on appelle le game. Elle s'en remet dedans, puis elle a envie de faire bouger les choses à Saint-Avold, enfin dans les coins-là, ouais. Parce qu'il n'y a rien qui se passe là-bas. Donc, elle a monté son assos, elle m'a demandé d'en faire partie, puis j'ai dit OK. Ah bah super, tu vas faire quoi là-bas? Bah écoute. C'est encore à voir. Non, parce que ça, c'est beaucoup de la technique ou des trucs comme ça, si elle a besoin de quelque chose, enfin voilà, je suis là quoi. T'es l'intendant. Je peux être l'intendant, voilà, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Mais je sais pas comment t'as combien d'heures dans ta journée. Non, c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler. Hein. On peut pas tout faire. Oui, entre dormir et tout, on peut pas tout faire. Tu vois. Bah voilà, c'est ça. On peut pas écrire et tout ça. Alors justement, comment ça se passe? Moi, je suis intriguée par un peu tous ces personnages que tu incarnes sur scène. Parce que, est-ce que voilà, on est différent sur scène quand on se produit devant un public avec des textes que dans la vie? Ou est-ce que vraiment on reste la même personne? On est disons qu'on peut être différent au niveau de de l'assurance, en fait, dès que je suis sur scène, en fait, bah, ouais, j'ai l'impression de plus être, d'être mon alter ego, parce que, c'est mon cas, quoi. Alors que dans la vie, moi, je suis plutôt quelqu'un de réservé, de timide, de tranquille, je pense beaucoup, je rumine beaucoup dans ma tête, voilà, je suis pas un violent dans la vie, quoi. Et sur scène, bah, justement, je peux exprimer cette violence, ou... Enfin, je fais mon sport, sur scène, je fais mon sport, je vis l'instant présent. Il n'y a que sur scène que j'arrive à vivre l'instant présent. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on vit dans le passé ou dans le futur, mais jamais l'instant présent. Et bah, sur scène, ça me permet de vivre cet instant présent, vraiment. Bah, quel beau message, ouais. Ça c'est super. En plus, voilà, tu as différents groupes, alors à chaque fois, c'est une ambiance différente. Ouais, c'est une ambiance différente à chaque fois, complètement même. Hein. Ça... Et comment tu fais, du coup, pour te mettre vraiment dans le bon move à ce moment-là? Ça se fait tout seul? Ouais, je sais pas, c'est normal, je sais pas, ça, okay. On n'est pas A ou B, donc je sais pas, donc... Voilà, que ce soit avec les Qu'est-ce qu'ils font ou Infréquençable, ça se fait tranquillement. Ça se fait tranquillement, puis je me sens à ma place dans les deux camps, ouais. Il n'y a pas de souci avec ça. Et maintenant, avec Smoka A, tout seul, ça doit changer quand même de... Bah, j'aime bien revenir à mon côté hip-hop, en plus, vu qu'avec les musiciens, c'est une autre école, ouais. J'ai appris beaucoup, du coup, et revenir à ma base, à mon hip-hop, j'ai l'impression que c'est trop facile. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression que c'est trop facile, là, et ça m'amuse, c'est cool. Ah bah tu m'étonnes, une petite récréation. Est-ce que tu t'entraînes, entre guillemets, est-ce que, voilà, tu... Sur scène, il y a quand même, c'est quand même, comme tu le dis, c'est un vrai sport, hein, c'est vachement endurant. Oui. Comment tu fais pour être aussi dynamique à ce moment-là? Tu t'entraînes combien de fois par jour? Je suis un vrai feignant. Je suis un gros feignant. C'est l'adrénaline là qui parle. Ouais, je pense que c'est beaucoup ça, quoi, l'adrénaline qui me tient debout sur scène, quoi, en fait. Voilà. Et ben, on se lance cette fois-ci dans Le Penseur. Ok. Avant, dernier. Voilà, avant d'en terminer avec cette émission, on a parlé de là où on te retrouve la prochaine fois. Donc ça se passe chez Rudy à Vanier pour la fête de la musique. Il y aura peut-être d'autres choses après. Donc le 22 au Petit Cab. Et après, il y a quoi? Il y a le 29 juin. C'est à la nuit américaine. Ah ouais. À Épinal. Ouais. Avec les Qu'est-ce qui font. D'accord. C'est ça. Et je crois qu'il y a encore un truc le 5 juillet, un truc comme ça. Je suis pas à jour encore. Faut que je regarde. On peut retrouver les infos sur ta page Facebook. Oui, sur ma page Facebook, là, ou la page d'Infréquençable, ou celle de Qu'est-ce qui font. Quoi. Voilà, débrouillez-vous. Voilà. C'est facile à trouver, en fait. C'est ça. C'est simple à trouver. Bah voilà. On écoute Le Penseur avant la dernière ligne droite de cette émission. Ils veulent nous brûler les ailes, qu'on reste là à manier les pelles. Tu as l'esprit rebelle, tu manqueras à l'appel. Ils veulent nous brûler les ailes, ne veulent pas qu'on s'élève. Ils veulent nous voler nos rêves et qu'on les suive, qu'on déchire. Brûler les ailes, qu'on reste là à manier les pelles. Tu as l'esprit rebelle, tu manqueras à l'appel. Ils veulent nous brûler les ailes, ne veulent pas qu'on s'élève. Ils veulent nous voler nos rêves et qu'on les suive, qu'on déchire. Le penseur, dérange son époque. Il balaye l'opinion comme on rase une vieille bicoque. Sujet à controverse, boudé par l'ordre. Du côté du camp adverse, on le veut, pendu à une corde. Car le penseur fait cogiter, agite la réflexion, déchaîne les passions et trouble l'autorité. Le penseur c'est la bohème, c'est laborieux aux yeux de ceux qui ne connaissent pas l'impact d'un poème. Le penseur est une tumeur au cœur du programme. Ceux qui savent de quoi je parle reconnaîtront le mélodrame. Le penseur gêne, le censeur bâillonne, la liberté des câleurs. Le penseur est un vilain petit connard qui enraye l'engrenage dans les règles de son art. Mal aimé de son vivant, après sa mort il sera l'icône respectée dans les mêmes. Nous sommes toujours ensemble, voilà, avec Smoka A, Mike, qui est venu nous parler de plein de choses. Hein. On a fait un petit peu le tour de cette EP Rock Mitten 2 que vous pouvez retrouver directement chez Mike. Yes. C'est plus simple. N'oubliez pas que voilà, vous pourrez retrouver Smoka Fondu Crew et Dou ce soir chez Jeanne. Caporal Jamal, pardon, c'est vrai. Voilà, pour bien commencer son week-end, moi j'ai envie de dire, c'est plutôt sympa. Voilà. Ça va être sympa, ça va être cool. Bah ouais. Alors justement, on parlait un petit peu de cette pochette, hein, de cette EP et de son dessin qui tape à l'œil quand même, qui est très beau, hein, très particulier, avec un univers bien à lui. Bah, très beau pour certains, dérangeant pour d'autres. Ouais. Il a un peu, il a un côté un peu rock mitaine, un peu glauque. Ouais. Il a un côté sombre. Et du coup, qui s'est occupé de ça? Et donc, bah, ce dessin, c'est Justine Galmiche qui m'a fait ce dessin, une tatoueuse de talent qui est de chez nous. Ouais. Qui maintenant aussi fait partie du groupe Scald. D'accord. Donc un groupe qui est en phase montante, très très très montante. Ah ouais, ouais. Bah, justement, ils vont faire le Hellfest là en plus. D'accord. Donc big dédicace à Justine et un grand grand grand merci pour ce dessin qu'elle m'a fait, quoi. Bah ouais. Est-ce qu'il y a des projets en cours, un nouvel EP? Enfin déjà tu remets Smoka A sur les rails pour faire plus de dates, etc. Est-ce que peut-être à un moment donné il y aura... À un moment donné, oui, je pense qu'il y aura un petit passage en studio, je pense. Ouais. Bah, déjà aussi avec la fréquençale, bah, on est en train de créer des nouveaux morceaux. Puis bon, le but, c'est aussi sortir l'album, parce que là, bon, on a sorti le premier EP. Ouais. Donc juste pour la découverte, et là, c'est sortir le vrai album avec la fréquençale. Qu'est-ce qu'ils font que c'est pareil? On essaie de faire ce projet à pouvoir faire poser une galette, quoi. Et puis toujours des petits projets à gauche, à droite, de featuring ou des petits enregistrements comme ça. C'est bien. Excuse-moi. C'est moi. Et peut-être avec aussi Decal Crew, comme j'ai dit, c'est pas fini. Donc, ouais. Mousse, si tu nous écoutes. Il y a beaucoup d'anciens qui attendent l'album Decal Crew, qui n'est jamais sorti. Decal Crew, Mousse, s'il te plaît. Mais ça va être plutôt pas mal avec Fred pour faire un album des Qu'est-ce qui Funk. C'est bien ça. Ah oui, mais carrément, carrément. Est-ce qu'il peut s'occuper de tout ça? Faut voir, parce que moi, c'est beaucoup de travail. Ouais. Après son studio, je ne sais pas s'il peut se permettre de... d'aller au-delà de la maquette, du maquettage, ce qu'on appelle du maquettage. Ouais. Donc ça, c'est des trucs, enfin des questions auxquelles on réfléchit, par où passer, c'est quoi le plus simple, sans que ça coûte des milliers de cents non plus. Ouais. Parce que bon, on roule pas sur l'or. Donc c'est toujours une histoire de budget après, hein, c'est sûr. Hein, voilà, et oui, c'est dommage. D'ailleurs, on fait une petite dédicace à Fred qui lance sa cagnotte Litchi pour pouvoir faire circuler un peu plus son son dans son camion, hein, que ce soit plus facile pour lui. On l'embrasse bien fort et on le soutient, bien entendu. Complètement. Mike, est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait envie de dire? Bah écoute, je crois que toutes les grandes lignes étaient là. Ouais. Donc pour moi, c'est ok, c'est cool. Ah ben, c'est plutôt bien. Moi, j'ai envie de faire un petit clin d'œil au Décal, à Mousse, et puis histoire de le motiver. On va pas finir avec mon générique, on va finir avec Hors Saison. Ok, yes. Hein, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu aujourd'hui dans les studios de Radio Guémozo. Pour ceux se coucheraient tard, eh bien, sachez que cette émission sera rediffusée ce soir à minuit et qu'elle sera bien sûr présente sur notre page Facebook et notre site internet. Gros bisous à tous, très très bon week-end et merci encore à toi Mike et bisous à toute l'équipe. Merci à vous tous. Récit, le cœur meurtri, je retranscris ce que je ressens au plus profond de mon esprit. Mes larmes épongent l'encre de mes écrits. Les pages sèchent au passage d'un vent de mélancolie. J'ai envie de crier, parfois fatigué de prier. J'ai peur de perdre la foi et de ne plus croire en quoi que ce soit. Tout est obscur autour de moi. Je ne distingue plus la lumière qui me guidait autrefois. J'ai des fois l'impression de péter les plombs. Mon âme vagabonde en terre de perdition. J'ai beau essayer de croquer la vie à pleines dents, le goût qui s'en dégage n'est que néant. Au fond je suis triste, triste car je me sens inutile. Même ce que je raconte me semble futile. Je suis à deux doigts de perdre la raison. J'ai plus de repères et pars en couille comme les saisons. On est beaucoup à rêver d'évasion. La liberté n'était pas en détention. Du poison dans les veines, de la passion dans la haine. Nous vivons tous hors saison. On est beaucoup à rêver d'évasion. La liberté n'était pas en détention. Du poison dans les veines, de la passion dans la haine. Nous vivons tous hors saison. Bien encore. Tu fais, hein. La réalité me pousse à vivre tristement. Je n'ai rien à offrir dans mon testament. Quel avenir pour mon enfant? J'ai beau me poser la question, elle reste souvent en suspens. Tu sais, staff, donne le meilleur de toi-même. Le plus important est de montrer que tu l'aimes. Ne lâche rien et protège-le comme la prunelle de tes yeux. Je t'apprends rien en disant qu'ici-bas les pièges sont nombreux. De l'amour il en aura, tu sais, Mike. Quoi? C'est ce monde qui fait flipper. Apprends-lui les vraies valeurs et dis-lui la vérité. Aussi hardcore soit-elle, faut qu'il soit préparé. T'inquiète, il pourra toujours compter sur son vieux père. L'amour de sa mère dans ses galères. Mais te mets pas des œillères, tu sais qu'il finira hors saison. Quand il quittera la maison, on est beaucoup à rêver d'évasion. La liberté n'était pas en détention. Du poison dans les veines, de la passion dans la haine. Nous vivons tous hors saison. On est beaucoup à rêver d'évasion. La liberté n'était pas en détention. Du poisson dans les veines, la passion dans la haine. Nous vivons tous hors saison. Et ouais, y'a plus de saison et les tensions montent. Au fur et à mesure, l'humeur descend. Les gars s'empoignent, finissent sans sang. Pour de futiles raisons, on déraisonne, on mutile à foison. On utilise en masse le poison, croyant être dans le bon. Mais y'a pas d'échappatoire, on se dirige droit vers l'abattoir. À part les tiens, personne t'aide à traverser le couloir. Il est clair qu'en haut lieu, en tout cas, on veut pas voir nos poires. On a tellement de désespoir qu'on pourrait boire le pouvoir. Ils préfèrent nous maintenir à l'écart et ne pas nous croire. On vit comme enfermé, or ça sent toujours les mêmes déboires. Normal si on broie du noir, tu sais, y'a rien d'illusoire. Ce système affecte nos esprits, les laisse dans le brouillard. Le malheureux destin qu'il nous réserve, le concept de croire. Nous on est là, on se bat chaque jour, on maintient l'espoir. Ah ouais, c'est ça nos vies, hors saison de leur histoire. Notre salut se trouve loin des plaisirs futiles, dérisoires. On est beaucoup à rêver d'évasion. La liberté n'était pas en détention. Du poison dans les veines, de la passion dans la haine. Nous vivons tous hors saison. On est beaucoup à rêver d'évasion. La liberté n'était pas en détention. Du poison dans les veines, de la passion dans la haine. Nous vivons tous hors saison. Hors saison. Hors saison.